Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, je voudrais ici, parce que la Bible dit, je fais cette exhortation parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on néglige et qui bloquent nos prières. On ne fait pas attention à ces choses-là. Et pourtant, ça bloque nos prières. Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est lui. Personne ne connaît Dieu si ce n'est lui, si ce n'est le Fils. Ça, c'est ce que Jésus dit. Quand Jésus vient vers nous, il est venu pour nous révéler qui est le Père. Quelles sont ses habitudes, quel est son comportement, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il est venu pour se sacrifier à la croix. Parce qu'on ne pouvait plus être sauvé par nous-mêmes. Parce que c'est par son sacrifice qu'on a aujourd'hui le salut. Le salut n'est plus par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, au verset 1, la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dû pour entendre nos prières. Mais ce sont nos crimes qui mettent la séparation entre nous et lui. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Il entend tes prières. Je ne sais pas depuis combien de jours, depuis combien de mois, depuis combien d'années tu pries. Et tu n'as pas de résultats. Ésaïe nous dit, il entend, mais ce sont vos péchés. Le problème, c'est vos péchés. C'est ça qui bloque. Mais pourquoi mes péchés bloquent? Et pourtant, la Bible dit que Jésus-Christ est venu se sacrifier à la croix pour mes péchés. Oui, mais nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus, d'accord. Mais Dieu n'est pas là pour encourager des personnes qui sont rebelles. Dieu n'est pas là pour encourager les rebelles. Quand Jésus va pour ressusciter Lazare, Jésus va faire une prière. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais Jésus dit aussi, moi, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu ne peut que t'exaucer. En fait, l'exaucement de Dieu, c'est une façon pour lui de t'encourager à marcher dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité, Dieu va t'encourager, Dieu va te bénir. C'est une façon pour lui de t'encourager parce qu'il voit que tu es sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu veut que tu sois le sel de la terre. Dieu veut que nous soyons la véritable lumière. Dieu veut qu'il y ait une différence entre nous et les païens pour que cela soit visible, qu'on ne soit pas des chrétiens de nom, qu'on ne soit pas des chrétiens qui vont à l'église et au quartier, ils se comportent comme des païens. Dieu veut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont ses enfants et les païens. Mon frère, mais si tu vas dimanche à l'église écouter la parole de Dieu et qu'au quartier tu te comportes comme un païen, en quoi tu es le sel de la terre? La Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Les païens parlent mal de Dieu parce que ceux qui vont à l'église n'ont pas un témoignage digne d'enfant de Dieu. C'est pourquoi les païens se moquent. Hein? Le prêtre, il dit qu'il est homme de Dieu. Hein? Il est dans la pédophilie. Hein? Le pasteur, il dit qu'il est homme de Dieu. On l'a attrapé, la police l'a arrêté pour faux et usage de faux. Et il dit qu'il est homme de Dieu. Les païens rigolent. La Bible dit le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Et Dieu n'aime pas ça. Comment veux-tu que tu aies un comportement qui ne glorifie pas ton Père et tu attends de lui des bénédictions? Ça ne marche pas comme ça. Parce que si Dieu te bénit alors que tu n'es pas dans la vérité, c'est comme s'il t'encourage à persévérer dans le mal. C'est pourquoi c'est ça qui bloque tes prières. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention, il faut examiner ta vie. Est-ce que je suis en règle? Est-ce que je fais quelque chose qui peut irriter Dieu et bloquer mes prières? Je vais lire dans Romains chapitre 8 au verset 19. La Bible dit, aussi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Tes parents attendent la révélation des fils de Dieu. Tes parents veulent voir si ton Jésus là c'est sérieux ou pas. Tes amis veulent voir un changement. Eux ne vont pas à l'église, c'est toi qui vas à l'église. Mais ils t'observent. Ils veulent voir si tu es vraiment le sel de la terre. Ils veulent voir s'il y a une différence entre eux et toi. Ils veulent voir. Tu peux leur dire, oh vous savez, venez en Jésus. Mais si tu te comportes comme eux, où est le changement? Qu'est-ce qui peut les attirer? Parce que tu vas à l'église dimanche, ils n'ont pas le temps, eux vont regarder leur match de foot, ils vont se balader, ils vont aller dans les bistrots, se saouler la gueule. Parce que toi qui vas à l'église, il n'y a aucun changement. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde veut voir la différence. Le monde veut les preuves qu'on est enfant de Dieu. Ta famille veut les preuves que tu crois en Jésus. Ta famille veut les preuves, ils veulent voir si tu as changé. Ton mari n'est pas chrétien, mais il veut voir si tu as changé. Ta femme ne croit pas, mais ta femme, c'est ton changement, c'est ton témoignage qui va le toucher. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimé, voici l'une des choses qui peut bloquer les prières d'un enfant de Dieu. Je vais lire dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 23. Voici l'une des choses qui bloque les prières. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Quelqu'un a quelque chose contre toi. Toi, tu n'as rien contre lui, mais c'est lui qui a quelque chose contre toi. Tu le sais. Tu sais que celui-là m'en veut. Tu le sais. Dieu te dit, va faire la paix. Si la personne refuse la paix, ce n'est plus ton problème, mais Dieu a vu ton acte. Dieu a vu que tu as fait le pas. C'est ce que Dieu attend de toi. Ne dis pas, je m'en fous, c'est son problème. C'est ce que Dieu attend de toi. Voilà l'une des choses. Quelqu'un t'en veut, tu dis, ah, c'est pas mon problème. Mais la Bible dit, mais quand tu vas aller à l'église, oh Seigneur, prier pour lui offrir ton offrande. Dieu ne peut pas agréer. Dieu ne peut pas aimer et tu attends des bénédictions de Dieu. Non, parce que Dieu ne peut pas t'encourager quand tu ne fais pas ce qui est agréable à ses yeux. Ça bloque les prières et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Il faut toujours faire la paix. Romains chapitre 12. Voici aussi l'une des choses qui peut bloquer les prières d'un enfant de Dieu. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rends pas le mal par le mal. Mais comment toi tu te comportes lorsqu'on te fait du mal? Tu fais œil pour œil, dent pour dent. Ça bloque. Parce que Jésus, qui connaît le Père et qui est venu au milieu de nous, est venu nous parler de ce Dieu-là. Vous êtes devenus enfants de Dieu grâce à mon sang. Mais attention, il est comme ça. Voici son comportement. Lui se comporte comme ça, son tempérament. Ça, ce sont ses habitudes. Moi, je vous dis comment il est. Je peux vous dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Parce qu'il n'y a que moi qui le connais. Donc, sachez que si vous faites le contraire de ce que je vous dis là, il ne peut pas être avec vous. Et vos prières ne seront pas exaucées. Jésus a dit, le Père m'exauce toujours parce que je fais sa volonté. Quand tu fais sa volonté, la bénédiction de Dieu est avec toi. Mais si tu as l'habitude, quand tu étais dans le monde, tu rendais œil pour œil, dent pour dent, et que tu es en Christ, tu te comportes toujours de cette façon-là. Le Père ne peut pas être fier de toi. Et tu attends des bénédictions de lui, mais non, la bénédiction ne viendra pas. Le Père m'exauce toujours parce que je fais sa volonté, dit Jésus. Quand tu fais sa volonté, on te fait du mal, tu pardonnes, tu pries même pour la personne. Là, tu fais la volonté de Dieu et Dieu est fier de toi. Ça va débloquer tes prières. Donc, si tu as l'habitude de rendre le mal pour le mal, ça peut bloquer tes bénédictions parce que Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi Jésus te dit, si tu attends des bénédictions de mon Père, n'aie pas l'habitude de rendre le mal pour le mal. Parce que si tu fais le contraire de ça, ça ne peut pas aller entre toi et lui. Et ça continue au verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance. Vous voulez attirer les regards de ce Dieu-là. N'aie pas l'habitude de te venger toi-même. Laisse-lui. Laisse-lui, c'est le Dieu de justice. Laisse-lui régler ce problème. Ne dis pas, non, moi ne me fais jamais ça. Il va voir. Moi ne me fais pas ça. Moi je vais lui montrer. Je vais lui faire ça dur. Mais si tu te comportes comme ça, ça ne peut pas aller. Parce que Jésus est en train de nous enseigner. Jésus nous dit, moi je connais le Père. Si vous voulez marcher avec lui, puisque vous êtes devenus ses enfants, voilà ses habitudes, oh, il se comporte comme ça. Si vous faites comme ça, vous serez avec lui la main dans la main. Mais si vous faites le contraire, il ne peut pas être avec vous. Il ne peut pas vous bénir. Parce que Dieu te bénit, c'est une façon en lui de t'encourager parce que tu fais ce qui est bien. C'est pourquoi la bénédiction vient. Dieu ne bénit pas les rebelles. Les enfants rebelles, il a dit comme ça, toi tu fais le contraire. Dieu ne bénit pas les rebelles. Dieu bénit les personnes qui obéissent à sa parole. Et Jésus est venu nous dire comment se comporter avec ce Dieu-là. Parce qu'il n'y a que lui qui le connaît. Donc si tu fais le contraire de ce que Jésus nous dit, on ne peut pas être agréable à Dieu. On est les enfants rebelles. Et Dieu ne va pas nous bénir. Et tu auras l'impression, je donne mes dîmes, je prie, je jeûne, je ne vois rien. Est-ce que tu as l'habitude de rendre le mal pour le mal? Il faut t'examiner. Parce que ça peut bloquer tes prières. Est-ce que tu as l'habitude de ne pas pardonner? Ou bien tu sais très bien que des gens ont quelque chose contre toi. Tu te dis, je m'en fous, c'est leur problème. Non! Dieu dit, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, pas que toi tu as quelque chose contre lui, mais c'est lui qui a quelque chose contre toi. Dieu dit, va le voir, faites la paix. S'il refuse la paix, c'est son affaire, mais Dieu a vu l'acte que tu as posé. Dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 14, voici ce que dit Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, lui non plus ne vous pardonnera. Bien-aimé, tu as des frottements dans ta famille, avec tes frères et sœurs, le courant ne passe plus. Vous ne vous dites même plus bonjour. Tu rencontres ton père, il n'y a plus de bonjour entre ton père et toi. Il n'y a plus de bonjour entre ta grande sœur et toi. Toi et ta maman, le courant ne passe plus. Parce qu'ils t'ont offensé. Mais Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas, lui ne te pardonnera pas. Donc le manque de pardon bloque les prières. Parce que Dieu ne peut pas t'exaucer si déjà il ne te pardonne pas. Parce que toi non plus, tu ne pardonnes pas. Tu vas prier au vide. Quand j'ai reçu Jésus, je n'avais plus de relation avec mon père. Bien-aimé, ça a été dur lorsque j'ai reçu Jésus et que je suis allé chez lui alors qu'il y a eu une coupure de 5-6 ans. On ne mettait plus pied chez lui. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, je suis allé chez lui. Je l'ai trouvé à la maison. Il était étonné. Mon Dieu, depuis quand lui, là, il ne mettait plus pied ici. Mais je l'ai fait pour le Seigneur. Je ne pouvais pas aller adorer Dieu alors que le courant ne passe pas entre moi et une personne. Faisons la paix, nous sommes des enfants de paix. Donc voilà une des choses qui peut bloquer tes prières. Toi qui pries là depuis longtemps, Jésus dit, sache que si tu n'as pas l'habitude de prier, de pardonner, Dieu ne te pardonnera pas tes offenses. Parce que nous avons des offenses. Nous péchons tous les jours en acte et en parole et en pensée. Jésus a dit, quand une femme passe devant toi et que tu la convoites déjà dans tes pensées, tu es déjà dans l'adultère. Et pourtant, vous n'êtes pas au lit. C'est pour vous dire que même par les pensées, nous péchons. Mais la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux gens, Dieu ne vous pardonnera pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu n'auras pas de réponse à tes prières. C'est la raison pour laquelle il faut fouiller ta vie. Tu dois fouiller ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a offensé et que tu n'as pas pardonné? Parce que ça risque de bloquer tes prières. Je vais lire dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 25. La Bible dit, voici sur l'une des choses qui bloquent les prières, mon frère, tu es marié. La Bible dit, aime ta femme comme Jésus aime son église. C'est Dieu qui te parle. Monsieur le maire, ta femme a mis l'alliance sur ton doigt devant monsieur le maire. Toi, tu as mis l'alliance de l'autre côté. Vous avez pris un engagement devant Dieu et devant les hommes. Mais Dieu te dit, ce que j'attends de toi, mon fils, c'est que tu aimes ta femme là, comme Jésus aime son église. L'amour de Jésus à son église, c'est ton modèle. Ne traite pas ta femme comme tu voyais ton père traiter ta mère. Ne traite pas ta femme comme les païens traitent leur femme. Traite ta femme comme Jésus traite son église. Et c'est sacrifié pour elle. Sacrifie-toi pour ta femme. C'est toi qui dois pourvoir à ses besoins comme Jésus pourvoit aux besoins de son épouse. C'est pourquoi l'épouse de Jésus l'adore. Elle est reconnaissante de tous les bienfaits de son époux. Et ta femme fera des louanges dehors. Mon mari, mon mari, mon mari. Parce que tu t'occupes d'elle. Beaucoup sont bloqués là, beaucoup d'hommes mariés. Ils tapent leur femme à la maison. Dis-moi, avec toutes les conneries que tu as faites, Jésus t'a déjà giflé combien de fois? Il t'a déjà giflé combien de fois, toi qui gifles ta femme là? Mais Jésus te pardonne. Si jusqu'aujourd'hui, il ne t'a pas tapé, c'est pas parce que tu es 100%, tu es la perfection. Non, c'est parce qu'il t'aime qu'il te pardonne. Et Dieu veut que tu traites ta femme comme Jésus traite l'église, son épouse. Mais beaucoup sont là. Ton ami là du quartier qui est marié comme toi, quand il vient chez toi, voit-il une différence entre ton comportement et ton épouse et sa façon de gérer sa femme chez lui? Il y a une différence. Un jour, Jésus décide de laver les pieds de ses disciples. Pierre est choqué. Pierre dit, non, Seigneur, c'est moi qui dois te laver les pieds. Toi, le Seigneur, Jésus lui dit, je te montre ce qu'il faut faire. Parce que dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sait le plus petit. Vous m'appelez Seigneur, je le suis. Mais c'est moi qui vous lave les pieds. Je vous montre comment vous devez vous comporter. La Bible dit quoi? Dans le livre de Corinthiens, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Oui, l'homme, tu es le chef de la femme. Mais Jésus dit, c'est le plus grand, n'est-ce pas, qui lave les pieds du plus petit. Tu es le chef de la maison. C'est toi qui dois laver les pieds de ta femme. C'est une parole spirituelle. Comprends ce que je vais dire par là. Si tu as l'esprit de Dieu, je ne parle pas des pieds charnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois pourvoir aux besoins de ta femme, comme Jésus pourvoit aux besoins de son épouse, l'église. Qu'est-ce que Jésus avec son épouse aux noces de l'agneau? La Bible dit son épouse s'est préparée. Mais si l'épouse est bien habillée aujourd'hui, elle qui était souillée, qui l'a sanctifiée? C'est Jésus par son sang. L'épouse qui était souillée, qui était liée dans le péché, qui était avec le diable. Jésus est venu avec son propre sang à laver son épouse par son sang. Son épouse est malade, il guérit. Son épouse a besoin de paix, qui donne? Son épouse veut la joie, qui donne? Son épouse est attaquée par le diable, il protège. Il la nourrit par la parole de vie. Regarde comment il s'occupe de son épouse. Mais toi, c'est les juifs, c'est les disputes, c'est la violence. C'est pourquoi tes prières ne peuvent pas être exaucées. Tu pries pour tes projets, il n'y aura rien. Parce que Dieu ne peut pas t'encourager dans cette façon de se comporter. Il t'a dit, mon fils, le seul modèle que je te montre, c'est la relation de Jésus et son épouse. Toi aussi, tu dois te comporter comme ça avec ta femme. Mais si tu fais le contraire, si tu gères ta femme à la maison comme le fait le monde, mais Dieu ne va pas te bénir. Parce que la bénédiction, Dieu c'est un papa, c'est ton père. Comment veux-tu que le père t'encourage si tu fais des choses qui ne sont pas agréables à lui, si tu ne l'obéis pas? Dieu n'exauce pas les prières des rebelles. Je continue. Je vais lire Romains chapitre 13 au verset 8. Voici aussi l'une des choses qui bloque les prières. La Bible dit, Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Combien de chrétiens ont des dettes? Ils ont promis rembourser, n'ont jamais remboursé. Et certains, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ne veulent pas rembourser. Mais Dieu te dit, ne devez rien à personne. Mon frère, si tu as été donné ta parole, oh, je suis dans les difficultés, je suis dans le découvert, pardon, prête-moi telle somme. À la fin du mois, je viens rembourser. Tu n'as pas tenu parole. Tes prières sont bloquées. Dieu ne peut pas encourager ça. Et tu vas prier, tu vas aller, tu pries. Il n'y a rien. Le ciel est comme fermé. Dieu dit, ne devez rien à personne. Je vous fais rapidement un témoignage. Un homme de Dieu priait pour les malades dans une église. Et les gens se sont mis en rang, toute une file devant lui. Il imposait les mains aux personnes. Et ils étaient en rang. C'est alors qu'est arrivé le tour d'un monsieur. Au moment où l'homme de Dieu voulait prier pour cet homme, il a entendu dans ses pensées $5,000. Dans ses pensées, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, monsieur, je ne comprends rien. Quelque chose me dit $5,000 dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur dit, oui. Monsieur, pardon, je peux vous voir à deux après le culte. L'homme de Dieu a accepté. Après le culte, ils se sont vus. Et ce monsieur explique à l'homme de Dieu que oui, j'avais prêté $5,000 à un collègue de travail. Je lui avais demandé, est-ce que sa femme est au courant? Il m'avait dit non. Mais cet homme, quelques mois après, est mort par accident de travail. Alors je me suis dit, comme sa femme n'était pas au courant que son mari m'avait prêté $5,000, je n'ai rien à rembourser puisque la femme, madame, n'est pas au courant. L'homme de Dieu lui a dit, monsieur, si Dieu m'a mis à terre $5,000, moi je ne vous connais pas. Dieu veut que tu rembourses. Et cet homme, quelques jours après, a pris sa voiture. Il est allé chez la dame. Madame, je suis un collègue de travail de ton mari. De son vivant, il m'avait prêté $5,000. La femme était étonnée. Elle me dit, oh, mon monsieur, je ne suis pas au courant. Mon mari ne m'avait pas dit parler de ça. Et l'homme lui a dit, oui, il m'avait dit que tu n'es pas au courant. Voici tes $5,000. Cet homme raconte que lorsqu'il démarre sa voiture pour rentrer chez lui, parce qu'il se disait, quand j'arrive à la maison, je vais appeler l'homme de Dieu pour lui dire, j'ai été remboursé, donne-moi maintenant un jour pour que tu pries pour moi. Parce que l'homme de Dieu n'avait pas prié pour lui. L'homme lui a dit, va d'abord rembourser, tu viendras me voir pour que je prie. Parce que cet homme était malade. Et cet homme avait dit à l'homme de Dieu que plusieurs hommes de Dieu m'ont déjà imposé les mains. Aucune solution. Et cet homme dit, lorsqu'il a donné $5,000 à madame, il prend la voiture pour rentrer chez lui. Il dit, avant qu'il n'arrive chez lui, la maladie avait disparu de son corps. C'est-à-dire, il ne sentait plus les douleurs. Il ne comprenait rien. C'est comme ça que la maladie est partie. L'homme de Dieu n'a même pas prié pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait la volonté. Dieu voulait qu'il rembourse la dette. Or, beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour lui. Sans aucune guérison. Parce que c'est cette histoire de dette qui bloquait les prières. Parce que Dieu dit, ne devez rien à personne. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour lui. Il a prié, lui-même était chrétien. Rien, toujours malade. Mais il a fallu qu'il aille rembourser la dette. Parce que Dieu ne peut pas encourager l'injustice. Dieu ne peut pas encourager les truands, les voleurs. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Que tu vas prêter, tu ne rembourses pas. Tu vas prendre l'argent là-bas, tu ne rembourses pas. Dieu ne peut pas nous encourager si on se comporte comme ça. C'est pourquoi les bénédictions sont bloquées. Bien-aimés, Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 13, au verset 16. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Connaître ces choses, comme je suis en train de le dire, ne suffit pas. Il faut le pratiquer. Personne ne peut mettre la parole de Dieu en pratique et ne pas voir Dieu réagir. Personne. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand tu es dans sa parole, Dieu se manifeste. C'est une façon pour lui de t'encourager que mon fils, ma fille, tu es sur la bonne voie. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, 29, écoute ce que Jésus dit. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, Dieu est avec toi. Tu n'as même pas besoin de lui dire, Père, viens, il vient seul. Parce que tu fais ce qui lui est agréable. Jésus dit, il est avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu traites ta femme comme Christ traite son épouse. D'accord? Tu pardonnes les gens, même les personnes qui t'ont offensé. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu ne dis pas je m'en fous. Tu vas le voir pour faire la paix. Tu fais la volonté de Dieu. Dieu est avec toi. Mais, quel est l'avantage s'il est avec nous? Dans l'évangile de Jean au chapitre 11, Jésus va, parce qu'on lui a dit, Lazare ton ami est mort. Quand Jésus arrive, la sœur de Lazare dit à Jésus, mais il sent déjà. Le cadavre est là-dedans depuis plusieurs jours. C'est un cadavre déjà en décomposition. Il sent déjà. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Écoutez ce qui va se passer. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais bien aimé, il a prié quand? Pour dire, tu m'as déjà exaucé. Il a prié à quel moment? Écoutez bien. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La pierre qui couvrait la tombe, parce que ça sentait déjà, Lazare était mort depuis plusieurs jours. On vient d'enlever la pierre, donc l'odeur est sortie. Mais Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi? Mais Jésus nous a dit tout à l'heure, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dieu est tous les jours avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pourquoi Jésus peut dire, ôtez la pierre. Je sais qu'il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et il peut dire, sors Lazare. Sors Lazare. Comme je fais toujours ce qui lui est agréable, je n'ai pas besoin de l'invoquer. Oh Père, descends. Oh Père, je t'invoque. Il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et comme il est là, je sens sa présence. Je peux ordonner à la mort de lâcher Lazare. Je peux dire à la mort, quitte le corps de Lazare. Vous savez que la mort, c'est un démon. La Bible dit dans Apocalypse, c'est écrit là, l'ange de la mort, il sera lié et foutu dans le puits de l'abîme. C'est ce démon qui tue toutes les personnes qu'on amène là à les enterrer. C'est le démon de mort qui agit. Cet ennemi-là, Dieu va le jeter dans le lac de feu. C'est un démon, le démon de mort. Et Jésus peut dire, mort, laisse Lazare, sors Lazare. Jésus est seul. Le Père est tout le temps avec lui. Le Père est tout le temps avec lui. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours sa volonté. Et Jésus dit, parce qu'on fait tout, quand tu fais tout le temps sa volonté, il sera avec toi. Et tu vas sentir l'onction, la présence de Dieu. Quand tu vas à l'hôpital, tu pries pour les malades, il y a des guérisons. Parce qu'il est avec toi. Souvenez-vous de cette parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus a seulement regardé et merci papa, je sais que tu m'as exaucé. Pourquoi? Parce que ce que je veux faire là, c'est ta volonté. Tu m'as envoyé pour que les morts ressuscitent. Tu m'as exaucé. Ce que je veux faire là, c'est ta volonté. Je suis déjà même exaucé. Père, parce que tant que je fais ta volonté, l'exaucement est assuré. Je n'ai pas besoin de faire des jeûnes et des prières pour te supplier. Parce que tant que je fais ta volonté, tu es avec moi tous les jours. Et parce que je fais ta volonté, j'ai déjà eu ce que je veux. J'ai déjà eu. Parce que je fais ta volonté. Bien aimé, c'est important. La Bible déclare que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Parce que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous, notre témoignage, nos actes. Les païens nous regardent. On dit qu'on est enfant de Dieu. Vous savez, lorsque la police arrête un enfant de Dieu ou un homme de Dieu pour faux et usage de faux, pour adultère, pour viol et autres, le monde fait la publicité. Et ça devient le sujet de conversation, pour les païens. Ils se moquent. Même les ivrognes qui sont dans les bars se moquent de Dieu à cause de ça. Donc beaucoup de prières sont bloquées par nous-mêmes. La Bible nous dit, ses oreilles entendent nos prières. Ils voient bien, ils voient la situation que tu traverses. Mais si toi tu ne pardonnes jamais, Jésus te dit, parce que tu ne pardonnes jamais, lui ne peut pas te pardonner. Mais comment veux-tu qu'il te bénisse? Puisque tu ne pardonnes jamais, lui ne peut pas encourager ça. Parce que s'il te bénisse, alors que toi, tu n'as pas l'habitude de pardonner, c'est comme s'il t'encourage à continuer comme ça. Oh, lui veut la repentance. Il veut que tu changes. Donc, ce que tu devrais faire, c'est que ça fait longtemps que je prie. Seigneur, montre-moi mes défauts. Qu'est-ce que je fais qui bloque mes prières? Si tu te souviens que quelqu'un, même un collègue de travail, un parent, a quelque chose contre toi, va faire la paix. Si lui n'accepte pas la paix, Dieu a vu l'acte d'obéissance. Tu es marié, tu traites ta femme comme le monde traite leur femme, mais Dieu ne peut pas te bénir parce qu'il t'a dit sur le modèle de Christ Jésus et son épouse. Si tu suis ce modèle-là, alors mon fils, je serai avec toi. Et quand il sera avec toi, tu verras les bénédictions de Dieu dans ta vie. Dieu ne bénit pas les rebelles. Dieu ne bénit pas les gens qui font le contraire à sa volonté. Tu n'auras rien comme bénédiction de Dieu. Tu vas prier, le ciel est fermé. Il faut t'examiner pour être agréable à Dieu. C'est alors que la bénédiction va te suivre.